les appelait autrefois les barracudas. Et aujourd'hui, ils sont devenus les EFAO, c'est-à-dire les éléments français d'assistance opérationnelle. Mais aux yeux de la population, sous une autre étiquette, ce sont les mêmes qui sont revenus. Des militaires français qui mènent en République centrafricaine une véritable guerre dont on parle peu ou pas en France. Il faut d'ailleurs noter que nos forces ont été engagées là-bas, aux côtés de l'armée du pays, sans que la représentation nationale ait été consultée. Une guerre pourtant terriblement meurtrière, les combats entre les rebelles et les loyalistes ont déjà fait nombre de morts, mais ce sont surtout les civils qui paient le prix fort. De part et d'autre, on se livre à tous les excès, pillages, viols, exécutions sommaires, maisons incendiées, etc. Des localités entières dévastées, des habitants terrorisés qui préfèrent fuir dans la brousse et abandonner le peu qu'ils possèdent avant l'arrivée des mutins, mais aussi des militaires centrafricains qui commettent les mêmes exactions que leurs adversaires. La situation est d'autant plus catastrophique que ce ventre de l'Afrique est particulièrement sinistré. Au nord, il y a le Tchad, dont le pouvoir chancelant a été sauvé par notre armée, encore elle, en 2006. Plus à l'est, c'est le Darfour et son flot de réfugiés. Et au sud, il y a le Congo, qui n'est toujours pas stabilisé, surtout à l'est dans le Kivu, à la frontière du Rwanda. Et partout, le puzzle ethnique et la misère suscitent des conflits régionaux que la future force européenne, l'EUFOR, ambitionne d'éteindre tant en République centrafricaine qu'au Tchad. Le Tchad où la récente mésaventure de l'Arche de Zoé risque de laisser des traces. Deux pays en tout cas qui ont toujours fait partie du précaré français et où notre pays a souvent fait la pluie et le beau temps et entretenu de façon presque ininterrompue de grosses garnisons depuis l'indépendance. Monsieur X s'intéresse particulièrement à la Centrafrique où jadis régnait un empereur bien français, Jean Bedel Bokassa. Une anecdote très éclairante pour commencer et qui illustre les rapports amour-haine qui existent entre l'ex-colonisateur et les populations qu'il a colonisées. Alors que l'armée française vient de sauver la mise du gouvernement centrafricain et ami en intervenant à Birao, au nord du pays, le président Bozizé vient célébrer le 14 juillet 2007 à l'invitation de notre ambassadeur à Bangui. Il doit être accompagné par 4 gardes du corps, ainsi qu'il a été convenu entre Français et Centrafricains. Mais à l'heure dite, le président arrive dans un pick-up où sont accrochés 16 soudards qui forcent l'entrée de l'ambassade. Il n'y avait pas de garde ? Si, quelques gendarmes qui ont été copieusement tabassés par ces pseudo-gardes du corps. Et l'ambassadeur de France, alors ? Ah, mais il a faim de ne pas voir et il a prononcé son discours comme si de rien n'était. Mais comment expliquer enfin, cette brutalité, là ? Le président Bozizé était fâché contre les sociétés Total et Areva en négociation avec son neveu tout-puissant, le super-ministre des cagnottes, comme on l'appelle. Alors il a exprimé ainsi son mécontentement. Une façon très personnelle de peser sur ces négociations, alors même que sans la présence française, son régime risquerait de s'écrouler. D'accord. Mais aussi les intérêts français qu'il faut défendre. Donc parfois, il faut faire profil bas. Vous avez raison. Alors, élargissons la question. À ma connaissance, dans aucun autre pays africain, la France ne s'est autant impliquée qu'en Centrafrique. Et pourtant, Paris n'a cessé de s'ingérer dans ce qu'on appelait encore récemment la France-Afrique. C'est juste. Ouais. Il a même été un temps où chaque dirigeant de l'Afrique francophone était flanqué d'un officier de notre service de renseignement. Et bien sûr, ça a été le cas en Centrafrique, où pendant plus de 10 ans, un colonel de la DGSE a pratiquement dirigé le pays. Mais nous reparlerons de cet homme, le mystérieux colonel Mention. Alors, par où voulez-vous commencer ? Une précision d'abord. La période coloniale a été particulièrement brutale en Centrafrique. En Oubangui-Chari, était alors le nom de ce territoire situé au centre de l'Afrique. Hein. Et avant la Seconde Guerre mondiale, on y pratiquait encore le travail forcé et les punitions prévues pour les autochtones, qui ne fournissaient pas la quantité de caoutchouc exigée, étaient terribles. Ça pouvait aller jusqu'à la bastonnade et parfois la mort. Une situation dénoncée par André Gide, en particulier. Dans les années 30, c'est exact. On estime que le travail forcé, les épidémies et l'enrôlement dans les troupes coloniales... Enrôlement obligatoire. Naturellement. Oui. On estime donc que tout cela a provoqué la mort de la moitié de la population. Combien d'habitants aujourd'hui ? Un peu plus de 3 millions sur un territoire grand comme la France. Très faible densité démographique. Et en faisant abstraction des nombreux clivages tribaux, deux populations. Les gens de la savane au nord et les gens du fleuve au sud. ces derniers ayant la réputation d'être plus éduqués que les premiers. Un dernier exemple, j'en aurais fini avec ce système colonial quasi-esclavagiste. Les deux parents du premier leader autochtone de la Centrafrique, l'abbé Barthélemy Boganda, ont été assassinés par les agents de l'une des compagnies concessionnaires qui sévissaient dans le pays. Et Bokassa lui-même était un orphelin. Et comment ses parents ont-ils disparu ? Son père était un chef local, ce qu'on appelait un chef de terre, c'est-à-dire un homme qui jouait un rôle d'intermédiaire entre l'administration et les villageois. Un jour, il a libéré des Noirs qui, selon lui, avaient été emprisonnés arbitrairement. Accusé de rébellion, il a été condamné à mort et exécuté en place publique. Et son épouse est ensuite morte de chagrin. Ce sont des faits qu'il ne faut pas oublier quand on se moque un peu trop facilement de Bokassa et de ses manières de satrape. Y a-t-il eu des révoltes indigènes ? Forcément. Et elles ont été matées dans le sang et sans que Paris s'émeuve. C'est dû sans nul doute à l'éloignement de ce pays continental. Loin des côtes, difficile d'accès, les colons pouvaient y agir à leur guise. Au début du XXe siècle, deux agents coloniaux ont fêté à leur manière la fête nationale en faisant sauter un noir à la dynamite. La nouvelle n'a été connue en métropole que 18 mois plus tard. Et parlez-moi de ce leader, l'abbé Boganda. Boganda, qui était aussi le premier prêtre indigène et également le premier noir député du territoire. Il en a bien sûr profité pour dénoncer avec force l'injustice qui était faite aux siens, mais il était aussi très attaché à la République française. Et ce n'est pas si paradoxal qu'il y paraît. Pour l'élite noire de l'époque, la France des droits de l'homme restait la mère. Quoi qu'il en soit, Boganda irritait les colons. Et beaucoup pensent aujourd'hui que sa mort dans un accident d'avion inexpliqué dissimulait certainement un assassinat. On a même parlé de colis piégés. Ça, c'était avant l'indépendance. Hein. Juste avant, en 1959. Et d'après vous, Boganda serait devenu le premier président de la Centrafrique ? Très certainement. Et sa mort a provoqué une émotion intense dans ce qui allait devenir la République centrafricaine. Son successeur naturel devait être un certain Abel Goumba. Mais ça commence très mal. Dès la proclamation de l'indépendance, un instituteur, David Dako, le vire et s'empare de la présidence. Aussitôt, Goumba est assigné à résidence et son parti est interdit. Ah, que s'est-il passé, là ? Pas les Français, bien sûr. Ah, ouais. Les colons à qui Goumba déplaisait. Ils ont donc fait des pieds et des mains, tant à Paris qu'à Brazzaville, où siégeait le gouverneur, pour écarter le docteur Goumba. Et à l'Élysée, Jacques Foccart a donné l'indispensable feu vert. Il s'ensuit un des pires régimes qui aient été donnés au pays. Suppression de nombreuses libertés, parti unique, corruption généralisée des fonctionnaires, fiscalité écrasante pour les plus pauvres. C'est exactement comme si l'indépendance n'avait rien apporté aux Centrafricains. D'autant que ce sont les conseillers de Dako, des Français, qui détiennent la réalité du pouvoir. Et ça dure combien de temps comme ça ? 5 ans. 5 ans pendant lesquels la France boucle les fins de mois d'un État qui va à volo. En outre, Dako, qui de plus en plus aux abois, commet une erreur fatale. Il esquisse un rapprochement avec la Chine. Et à Paris, on grince des dents. Oui, on songe à le remplacer. Foccart a déjà son candidat. Un ancien capitaine de la coloniale, devenu colonel et chef d'état-major de la petite armée centrafricaine. Mais c'est Jean Bedel Bokassa. Et tout va se passer très tranquillement. Et d'abord parce que Dako déprime. Pourquoi ? Je crois qu'il est là du pouvoir. Ça, c'est plutôt singulier. Hein. D'habitude, c'est plutôt le contraire, non ? Ouais. Quand on l'a, on ne veut plus le lâcher. Certes, mais Dako manque d'ambition et d'énergie. En outre, il n'est pas très courageux. Et l'exercice du pouvoir est parfois dangereux. Alors, assez facilement, il se laisse convaincre de passer la main. À Bokassa ? Non, lui, il suggère plutôt le chef de la gendarmerie, un général. Mais à Paris, Foccart veille au grain et pousse Bokassa. Et dans la nuit de la Saint-Sylvestre, 1965, l'ancien de la coloniale, accompagné d'un petit groupe de jeunes officiers, prend le pouvoir et s'installe dans le fauteuil de David Dako. C'est un putsch pacifique, ça. Presque sans effusion de sang. C'est si rare en Afrique que ça mérite d'être souligné. Il y a quand même eu quelques morts. Une dizaine. Mmh. Les proches de Dako, dont ce chef de la gendarmerie. Le rival de Bokassa. Mais on n'a jamais su dans quelles conditions il a perdu la vie. Immédiatement, Bokassa proclame l'avènement d'une république assainie, tandis que la rue se réjouit, Dako était devenu très impopulaire. Ouais. Et chez les Français, alors, et les élites noires ? On s'interroge. Bokassa est d'abord connu pour être un bringueur, et ses nombreuses histoires de femmes ont régulièrement fait le tour de Bangui. On est donc assez circonspect. Parce qu'on ne le trouve pas très sérieux. On parlerait aujourd'hui d'un personnage folklore, amateur de plaisanteries souvent salaces, parlant fort et buvant beaucoup. Et sur le plan politique, le régime est naturellement dictatorial. Son conseiller juridique, un Français, forcément, lui a même concocté une constitution sur mesure. Je vous affirme que je n'invente rien. Entièrement calquée sur celle de Vichy. C'est incroyable. Et il faut bien reconnaître que pendant au moins les 5 premières années, Bokassa gouverne d'une façon plutôt bonhomme. Et c'est après que ça se gâtera. Caroline Fess et Stephen Smith, auteurs d'une biographie de Jean-Bedel Bokassa, évoquent à son propos une dictature populiste. Et ils passent en revue quelques-unes des premières mesures pour le moins originales qu'il a prises. Je cite. Un décret d'assainissement des mœurs interdit de jouer du tam-tam du lever au coucher du soleil, sauf les jours fériés et les week-ends, pendant lesquels les hauts fonctionnaires restent également autorisés à fréquenter les bars et les dancings. Une ordonnance contre l'oisiveté astreint tous les désœuvrés à participer à des travaux d'intérêt général ou, à défaut, à retourner à la terre pour la cultiver. La mendicité est prohibée. Une commission dite de vérification des comptes recense les biens mal acquis par les dignitaires du précédent régime. Les impôts impopulaires sont supprimés, de même que la journée continue, la polygamie, la dot, l'excision. Des punitions sont prévues pour les parents, empêchant leurs filles de poursuivre leurs études. Seuls des jus de fruits de fabrication locale doivent être servis dans les réceptions officielles. La vente d'armes à feu est illégale, de même que le commerce de cartes postales montrant des femmes nues ou la Centrafrique comme un pays pauvre, parce que portant atteinte à l'honneur national. Bokassa Ier, un empereur français, a été publié par Kahneman Lévy. À Paris, on s'accommode plus ou moins de la présidence Bokassa. C'est un couillon, dit le général de Gaulle, qui commence par refuser de le recevoir à l'Élysée. Mais, sans doute grâce à Jacques Foccart, le mépris du président français s'émousse. Et finalement, Bokassa deviendra un brave bougre. Un brave bougre. Et il aura accès au palais de l'Élysée. Oui. Mais de Gaulle ne supportera pas que Bokassa l'appelle papa. Ah, c'était pourtant affectueux. Ah, ce n'était pas le sentiment du général que ces manifestations ridicules agaçaient au plus haut point. Enfin, passons. Ça n'a pas empêché Paris d'envoyer à deux reprises des paras à Bangui quand on courut des rumeurs de coup d'État. En tout cas, la lune de miel n'a pas duré au-delà de 1970. Pourquoi alors? Le problème de tous les gouvernements centrafricains, ça continue encore aujourd'hui, ça a toujours été l'argent. L'argent qui manque pour boucler le budget. Et payer la flopée de fonctionnaires qui parasitent le pays. Oui, mais en même temps, ces fonctionnaires font vivre leur famille. C'est vrai. On calcule qu'un seul agent de l'État peut nourrir 10 parents. Mais tout ça coûte très cher. Et surtout, ce n'est pas productif. Ce qui explique que les dirigeants centrafricains, mais pas seulement eux, ont souvent tendu la sébille en direction de la France. Alors, quand Paris ne réagissait pas assez vite, Bokassa se fâchait. Mais ça donnait quoi, là? En 1971, par exemple, l'ambassade de France à Bangui, soupçonnée d'abriter des installations d'espionnage électronique, est saccagée par des émeutiers. Une manifestation nullement spontanée. Ah, évidemment. L'initiative est venue du palais de la présidence. Plus tard, ce sont des coopérants français qui sont expulsés et un journaliste de l'agence France Presse est accusé de fomenter un complot. Puis des sociétés françaises sont nationalisées. Autant d'expressions de la grogne de Bokassa qui réclament de l'argent. Mais il se livre aussi à une provocation plus préoccupante, en annonçant son intention de se rapprocher du camp de l'Est. Oui, mais provocation, avez-vous dit? Bokassa n'a nullement l'intention de tourner Cassac. Non, c'est une sorte de chantage. Mais ça marche, puisque Paris cède à tous les coups. Car Foccart a décidé une fois pour toutes qu'il ne fallait pas contrarier Bokassa, et donc accepter ses sautes d'humeur. Mais pourquoi, alors, au fond, autant de mansuétude? À cause de la position centrale de son pays. La position géographique, vous voulez dire? En effet. Des spécialistes ont même considéré que le pays était une sorte de porte-avions de notre armée en Afrique. Autre intérêt, nos agents secrets pouvaient s'y mouvoir comme des poissons dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao. En cette période de guerre froide, ça permettait d'un côté de surveiller et même prévenir les mouvements subversifs. Le Congo-Brazzaville voisin était par exemple devenu un pays socialiste. Ah oui, où l'on pratiquait le marxisme scientifique, hein, comme disaient les dirigeants de ce pays. Mais de l'autre côté, la Centrafrique était un poste d'observation idéal sur les pays anglophones d'Afrique de l'Est. Alors, ça explique cette mansuétude, comme vous l'avez dit vous-même. Ça, et n'oublions pas l'uranium centrafricain, mais on va en reparler. En tout cas, ça devenait de plus en plus difficile, car Bokassa multipliait les foucades. Sa mégalomanie, quoi. Oui, déjà président à vie, il s'autoproclame maréchal. Et puis bientôt, en 1977, il se sacrera lui-même empereur. Moi, ça, j'y reviens tout de suite. En France, après la mort de Georges Pompidou, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui devient président de la République. Giscard qui apprécie beaucoup l'Afrique, ne serait-ce que parce que ce continent lui permet de se livrer à l'une de ses passions, la chasse aux grands animaux. Dès son élection, en 1974, le nouveau président manifeste son intention de nouer des relations très étroites avec celui qui l'appelle son frère. Ouais. Alors Bokassa, oui. De Gaulle le papa, Giscard le frère. Mais c'est une conception africaine élargie de la parentèle. Quoi qu'il en soit, au cours de l'automne 1974, Bokassa est reçu à deux reprises par le président. Puis on signe un nouveau contrat pour l'exploitation des mines d'uranium. Et enfin, au début de l'année suivante, le deuxième sommet franco-africain se tient à Bangui. Une gracieuseté faite à Bokassa. Incontestablement. Le choix de Bangui témoigne de l'attachement de Valéry Giscard d'Estaing pour la Centrafrique. Ses territoires de chasse et certaines parties de sa population. Que voulez-vous insinuer là ? Rien, absolument rien. Ah oui, j'ai du mal à vous croire. Mais peu importe après tout. Une parenthèse ici. En mars 1975, Giscard d'Estaing se rend en Afrique noire pour la première fois depuis son élection afin de participer au sommet franco-africain qui va se tenir à Bangui. À son arrivée en Centrafrique, salué par Bokassa, le président français s'enthousiasme. « Bonjour, monsieur le président à vie. Salut, terre d'Afrique. Salut à vous, Africains et Africaines, qui êtes les amis de mon cœur et que je suis venu visiter. » Chaque fois que j'ai pu le faire, c'est un grand jour pour moi que celui où je peux vous apporter non seulement mon salut personnel, mais le salut de la France dont je suis le président. Croyez bien, monsieur le président à vie, mon cher parent et ami, que la France ressent profondément cette solidarité envers la République centrafricaine qui, sous votre autorité, s'est engagée dans une action en profondeur de développement économique, culturel et humain. En tout cas, Bokassa profite des bonnes intentions de Giscard d'Estaing pour demander une rallonge. La République centrafricaine est en effet au bord de la faillite. Et le président français accepte Oui, mais il y a une condition. Paris veut désormais avoir un droit de regard sur les dépenses du gouvernement centrafricain. Ça me paraît assez sage, même si c'est une forme de mise sous tutelle. Mais deux ans plus tard, c'est la bouffonnerie du sacre. Une cérémonie calquée sur celle au cours de laquelle Napoléon s'est lui-même... sacré empereur. Inutile de dire que ça va coûter très cher. L'équivalent de l'aide annuelle de la France à la Centrafrique. Mais c'est la France qui va payer l'essentiel, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Un somptueux cadeau de son frère, Giscard d'Estaing, et une cérémonie grandiloquente, abondamment relayée par les chaînes françaises de télévision. L'une d'elles, la deuxième je crois, a même délégué à Bangui son directeur de l'information pour interviewer en direct l'empereur. Quel honneur. Au même moment, il faut le souligner, les États-Unis suspendent leur aide à la Centrafrique. Et pour quelle raison ? À cause des atteintes répétées aux droits de l'homme. Alors des violations qui ne choquent donc pas la France. Non, puisque Paris a été partie prenante du sacre de l'empereur Bokassa. Mais ces bonnes manières ne vont pas empêcher le nouveau souverain de continuer à nous planter des bonderies. Ainsi, il va entamer un flirt avec le colonel Kadhafi, notre meilleur ennemi en Afrique. Et sous la présidence de Giscard d'Estaing, nos services secrets essaieront même de supprimer Kadhafi. C'est juste, oui. Je vous en ai parlé il y a fort longtemps. Ce rapprochement avec Kadhafi va même assez loin. Bokassa, qui s'est depuis un moment converti à la religion musulmane, se déplace plusieurs fois en Libye et envoie 400 de ses soldats se former chez Kadhafi, tandis que plusieurs conseillers libyens débarquent à Bangui. Ils ne viennent pas les mains vides. C'est-à-dire ? Eh bien, avec eux transitent de très importantes quantités d'armes de toutes sortes. Et dans tout cela, alors, quel est l'intérêt de Kadhafi ? Il est double. En mettant le pied en Centrafrique, il prend en sandwich le Tchad, où il ne désespère pas de faire la loi un jour ou l'autre. L'autre raison, c'est l'uranium centrafricain. Autant de points qui préoccupent sérieusement la France et qui vont décider le pouvoir à tout faire pour se débarrasser de Sa Majesté Bokassa Ier, quitte à prendre de grosses libertés avec la vérité. La République centrafricaine, base arrière de la France. Tel est le titre d'un article de Thomas Sotinel paru dans Le Monde en janvier 1997. J'en extrais ces quelques lignes. Coincé entre des voisins immenses et remuant Tchad, Zaïre, Soudan, la République centrafricaine est un poste d'observation et une base arrière idéale. D'une part, sa pauvreté garantit une certaine inviolabilité, car on voit mal quel intérêt il y aurait à l'agresser. D'autre part, le petit nombre d'habitants, 3,3 millions répartis sur un territoire plus grand que la France, implique une faible amplitude des mouvements politiques et sociaux, toujours contrôlables par une armée moderne. Au long de l'interminable conflit tchadien, les bases françaises en Centrafrique ont ainsi été un appui indispensable pour les différentes interventions françaises destinées à défendre les alliés successifs de Paris à N'Djamena. Mais pendant ce temps, l'histoire de la République centrafricaine a continué de s'écrire, dans la douleur la plupart du temps. Cette histoire à la fois violente et secrète explique sans doute les paroxysmes qu'a connus le pays. Venu au pouvoir après se l'être fait remettre par David Dacko, Jean-Bedel Bokassa a construit et détruit le pays entre 1966 et 1978. Si l'Occident garde de lui le souvenir des fastes dérisoires de l'Empire centrafricain, le pays lui doit l'instauration d'une tradition d'accaparement des ressources nationales à des fins privées dont aucun de ses successeurs ne s'est départi. Je ne veux pas apparaître comme le défenseur de Bokassa, mais je suis persuadé qu'il a été victime d'une manipulation, ou plutôt d'une manœuvre de désinformation, comme on disait autrefois, derrière le rideau de fer. Alors, bon, pardon de me répéter, car j'ai déjà évoqué cette affaire, mais écoutez bien. À la fin 1978, le premier ministre centrafricain, Henri Maidou, prend une curieuse décision. Il impose aux écoliers et étudiants centrafricains le port d'un uniforme. Et vous l'imaginez bien, aussitôt, c'est le tollé. Pourquoi? Parce que la plupart des parents sont incapables d'assumer une telle dépense. L'achat de l'uniforme. Eh oui, et les lycéens descendent dans la rue afin de protester, les lycéens, mais aussi, curieusement, de jeunes adultes. Que sont-ils, ceux-là, là? Ces types sont venus pour casser. À noter que, pendant que se déroulent ces premières manifestations très violentes, le Premier ministre se trouve à Paris, à l'invitation du président de la République française. Je vois, et comme vous ne croyez pas tout à fait au hasard, En tout cas, c'est ce que vous m'avez souvent dit. Hein. 3 mois plus tard, comme le gouvernement n'est toujours pas revenu sur sa décision, les manifestations recommencent. Très vite, elles dégénèrent en quasi-émeute, et les premières victimes sont des policiers et des soldats. D'habitude, ce sont plutôt les manifestants qui sont touchés. Oui, mais les policiers et les soldats centrafricains n'étaient pas armés. Une idée de Bokassa. Il avait tellement peu confiance dans ses troupes qu'il préférait les voir sans armes. Et quand on sait combien de chefs africains ont été destitués par leurs militaires, on comprend sans peine. Et lui-même était bien placé pour le savoir. C'est juste. Toutefois, devant l'ampleur de la révolte, Bokassa est bien obligé d'autoriser le gouvernement à distribuer des armes aux forces de l'ordre. Et à s'en servir? Oui. Et des manifestants tombent donc à leur tour. C'était inévitable. Et d'autres sont arrêtés, emprisonnés, bastonnés. Certains, souvent de très jeunes gens, sont même fusillés dans la prison où on les a enfermés. Quoi, c'est des exécutions sommaires? Vite, très vite, on parle de bains de sang. Un véritable massacre. Plusieurs centaines de victimes, des gosses, des adolescents. Alors, commencez-vous à comprendre pourquoi je vous parlais de manipulation? Je pense, oui. Enfin, d'abord, on suscite des manifestations, on encourage la répression, et on exagère considérablement le nombre de victimes. C'est exactement ça, oui. D'accord, mais même si le nombre des victimes a été fortement exagéré, il y a quand même eu des morts, hein, et la responsabilité de Bokassa a donc été engagée. Sa responsabilité de chef de l'État, bien sûr, mais Bokassa ne se trouvait pas sur place à Bangui. Et ce n'est pas lui qui a commandé ses fusillades et ses exactions. En êtes-vous bien certain? Absolument. Bokassa, au moment de ces événements tragiques, résidait dans son palais à 80 km de Bangui. Et le téléphone? Certes, mais je suis sûr qu'à cause de cet éloignement de la capitale, il n'a pas pris la mesure de ce qui se passait réellement. La meilleure preuve, c'est qu'il a ordonné une enquête et qu'à la suite de cette enquête, plusieurs responsables, dont certains ministres, ont été limogés. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Bokassa, aux yeux du monde entier, était devenu un massacreur d'enfants et c'est ça qui comptait. Ouais. Moi, je vous trouve bizarrement indulgent, hein, pour un homme qui n'avait quand même pas les mains très propres. Bon, je ne suis pas indulgent. Je dis la vérité. Et je suis le premier à reconnaître que Bokassa n'était pas un saint et qu'il avait beaucoup de sang sur les mains. Mais tenez, s'il me faut encore vous convaincre, reportez-vous au procès de Bokassa, un procès qui a commencé en 1986. En Centrafrique, hein. Oui. Une première fois, l'empereur déchu avait été condamné à mort par contumace et les juges de son deuxième procès n'avaient donc aucune raison d'être clément. Eh bien, l'accusation n'a pas réussi à prouver sa culpabilité dans l'affaire des lycéens. Il a simplement été accusé de complicité. Mais s'il y a eu réellement manipulation, qui se trouvait derrière nous ? Nos services de renseignement ? C'est ce que je pense. Avec la complicité de hauts responsables centrafricains et d'opposants. Parce qu'il fallait à tout prix faire de Bokassa un monstre. Et donc justifier son éviction du pouvoir. D'ailleurs, enfin, si je vais dans votre sens, la désinformation ne s'arrête pas là. Il y a aussi cette accusation de cannibalisme. Hein. Oui, quand Bokassa aura été renversé, on prétendra avoir trouvé dans les congélateurs du palais impérial de la chair humaine. Mais là encore, cette accusation sera rejetée par les juges centrafricains lors du procès de l'ex-empereur. Au fond, rien n'était trop gros pour salir Bokassa. Mais quand vous dites « on prétendra avoir trouvé de la chair humaine », là, qui se cache derrière ce « on » ? Toujours les mêmes. Les hommes du ZEC. N'oubliez pas que ce sont eux qui ont pénétré les premiers dans le palais de Bokassa. Et ce sont eux qui ont répandu la rumeur, parce que l'opération Barracuda, visant à éliminer Bokassa, était entièrement imaginée et téléguidée depuis Paris. Racontez-moi cela par le détail. D'après ce que j'ai pu savoir, tout a commencé à se préparer vers le mois de mai 1979. Ça signifie donc qu'à Paris, l'Élysée a donné son feu vert. Exactement. Hein. Ouais. Il va falloir agir assez vite. Pourquoi ? Parce que nos services ont eu connaissance d'une information très embarrassante. L'ambassadeur centrafricain à Paris, un certain Sylvestre Bangui, qui nourrit de très sérieuses ambitions politiques. Devenir calife à la place du calife. Bien évidemment. Donc cet ambassadeur fait défection et demande protection à notre pays. Naturellement, les services français, qui voient en lui un possible successeur de l'empereur, s'intéressent à ce personnage et le cuisinent un peu. Ouais, gentiment. Bien entendu, mais ce faisant, il recueille une information capitale et inquiétante. Pour l'hôte de l'Élysée, en tout cas. Quoi ? L'ambassadeur, qui a participé à de nombreuses chasses aux fauves aux côtés du président français, affirme qu'il lui a remis personnellement des sachets de diamants de la part de Bokassa. Et c'est vrai ou faux ? Ça, je n'en sais rien. Mais si l'on tient compte de ce qui est arrivé ensuite, on peut juger que l'information n'était pas négligeable. Il y a donc le feu à l'Élysée. Oui, les services de renseignement sont pressés d'élaborer au plus vite un plan. Et finalement, c'est David Daco qu'on choisit pour remplacer Bokassa. Pourquoi lui ? Parce que dernier président élu avant d'être renversé par Bokassa, sa restauration aura le mérite de présenter un semblant de légalité. Mais Daco n'est pas très chaud. Mais il faut le bousculer pour qu'il accepte du bout des lèvres. Alors l'opération elle-même là. Barracuda ? C'est très simple. En septembre 1979, Bokassa fait une erreur fatale. Il se rend en Libye pour y rencontrer son ami Kadhafi, car ils se sont progressivement lâchés par la France. La nuit qui suit son départ, deux transals du ZDEC décollent de Villa Coublay. L'opération Barracuda commence. Et qui se trouve dans ces avions-là ? Des militaires sans grade ni insigne. Et David Daco, qui d'après tous ceux qui étaient du voyage, tremblait peu. Alors ces militaires sans grade là sans... Ce sont des gars du 1er RPIMA, un régiment parachutiste d'infanterie de marine qui sert traditionnellement d'auxiliaire au service action du ZDEC. Les deux transals, comme vous l'imaginez, se dirigent vers Bangui, où ils atterrissent de nuit. Et là, sur place, tout se passe très vite. Les principaux bâtiments officiels et la radio sont occupés. Sans incident. Sans incident, oui. Car le terrain a été balisé préalablement par d'autres agents du ZDEC qui sont arrivés sous couverture. David Daco, nouveau président installé par la France, déclare à la radio que Bokassa est destitué. Un discours déjà enregistré en France. Le coup d'État est une réussite parfaite. Et les types du ZDEC reçoivent dans la journée l'appui de plusieurs centaines de soldats français arrivés du Gabon. Mais ils n'auront pas à intervenir. Et Bokassa alors. Attendez. Auparavant, je dois vous dire que les agents du ZDEC procèdent à une fouille méthodique du palais impérial et raflent tout ce qu'ils trouvent. Des documents ? Pas seulement. Bokassa gardait par-devers lui une fortune en diamants et en devises, un vrai trésor. Et que sont devenus les documents et diamants ? Les documents ont été acheminés rapidement en France et mis au frais par les hommes du ZDEC. Quant au trésor, mystère. Mais les services de renseignement ont souvent besoin d'argent noir. Je répète, et Bokassa, alors, il est venu en France, si ma mémoire est bonne. En effet, il a dédaigné l'hospitalité que lui offrait Kadhafi et d'une façon assez insensée. Il a choisi la France. Pourquoi ? Parce qu'il avait en principe la double nationalité. Mais la France n'aura rien de plus pressé que de se débarrasser de cet hôte encombrant. Deux informations pour terminer. Il semble bien que Bokassa a d'abord été trahi par les siens. Et qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Je note que son épouse, l'impératrice Catherine, est étrangement partie en France quelques jours seulement avant l'opération Barracuda. Et elle est partie rejoindre l'un des châteaux que possédait Bokassa avec des tonnes de bagages. Ah, et comme si elle savait ce qui allait arriver. Ça me paraît évident. Deuxième point, Bokassa ne tardera pas à se venger de son frère Giscard d'Estaing. Ouais, l'affaire des diamants. Oui, oui, une affaire qui coûtera au président sa réélection en 1981. Pour conclure, et avant de parler la semaine prochaine des derniers développements de l'actualité en Centrafrique, je reviens au livre de Géraldine Fess et Stephen Smith, et je leur emprunte ces quelques lignes qui relativisent les extravagances de Jean Bedel Bokassa. Avec le bénéfice du recul, un quart de siècle plus tard, Jean Bedel Bokassa pourrait être enfin compris pour ce qu'il a été réellement, non pas le pendant francophone d'Idi Amin Dada, ni même un avatar moins sanguinaire de Roi Nègre, mais l'archétype de toute une génération de dirigeants dans les anciennes colonies françaises du continent. Trop longtemps, le ricanement, tout comme l'indignation, ont mystifié le personnage. Or, au regard de ses pères africains de l'époque, Bokassa incarne plutôt la norme que l'exception. S'il est cruel, extravagant, cupide, paranoïaque et excessif, il ne détonne pas dans le portrait de groupe des pères de l'indépendance ou de leurs successeurs immédiats qui, comme lui, se sont souvent emparés du pouvoir par la force. Certes, il est le seul à s'être fait couronner empereur, mais au milieu de présidents à vie, il a juste accompli un pas de plus que d'autres, au demeurant, s'apprêtaient à franchir également.